Oui, venez vite. C'est sur nous que vous en avez, mademoiselle? Monsieur Meulemeester, si ça vous dérange pas trop, je voudrais vous dire un mot ou deux. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que la séance va bientôt commencer? Je ne sais pas, mademoiselle. La sonnette fera signe. Ah oui. C'est vrai que vous êtes candidat? Oui, mademoiselle. On n'avait pourtant jamais parlé de vous. Bon, on n'avait jamais parlé de Napoléon avant la Révolution. Il est quand même devenu empereur. Vous saviez que c'était père qui était sur les rangs? C'est même pour ça que je me suis mis aussi. Vous êtes fâché sur lui? Moi, fâché? Je suis bien trop méprisant pour ça. Mon père ne vous a rien fait? On a fait un affront à ma famille. Je veux le laver. Mais il n'y a pas d'affront, puisqu'on était d'accord tous les deux avec Séraphin pour rompre. Oui, je ne regrette pas qu'on l'a cassé. Je n'avais pas fait assez attention de quelle famille j'allais devenir. Quoi? Oui, Séraphin m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis trop chevalier français pour insister. Est-ce qu'il vous aurait raconté des méchancetés sur moi? Il ne m'a rien caché. Je sais que vous avez eu dans le temps des ennuis, mais alors il fallait pas vous laisser fiancer. Ah, il vous raconte des histoires comme ça. Faites-moi le plaisir de me laisser un moment avec Séraphin. Ça n'est pas possible. Laissez-moi le causer une minute. Ça n'est pas possible. Mais je dois le causer. Oui. C'est déjà bon, hein? Je respecte trop les gens de mon rang pour avoir des ruses. Je pars pour 5 minutes. Attention, hein, fisc. Vous avez raconté des choses honteuses sur moi? Mais non. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit comme ça qu'on avait décidé ensemble de rompre parce qu'on n'avait pas le même caractère. Et puis? Ah, il n'a pas voulu me croire. Il disait comme ça que ça faisait rien, que quand on a tous les deux le même caractère, on finit par s'embêter. Il était très fâché, il criait que j'étais un imbécile. Et alors? Alors, j'ai dit comme ça que vous avez eu un amoureux avant moi et que vous êtes parti 2 jours avec lui. C'est tout? Pardon, Suzanne, pardon, mais j'ai dit ça le soir même, dans un moment où j'étais comme fou. Oui, mais le lendemain? Le lendemain, j'ai pas osé dire que j'avais menti. J'ai pas osé dire la vérité. J'avais peur d'être flanqué à la porte, envoyé à l'étranger. Mais qu'est-ce que ça pouvait vous faire? Ah, je n'osais pas, car le soir, comme je vous l'avais promis, j'avais été chez elle. Chez qui? Chez Anna. Ah? Oui. Elle m'attendait si gentiment sans se douter de rien. Elle travaillait si courageusement sa couture sous sa petite lampe. Elle avait mis au gamin un petit nœud bleu dans ses cheveux. Moi, je me suis rappelé de ce que vous m'aviez dit dans l'après-midi. Et puis, le petit est venu grimper sur mes genoux en faisant plec, nom de maître. Tire-lire. Je n'avais jamais vu ça aussi beau que ce soir-là. J'ai embrassé le gamin, j'ai embrassé Anna, et je me suis dit que ma vie serait pour ces deux créatures que j'aimais. Ce que vous avez fait très bien. Mais moi, le bruit que vous avez fait courir. Mon père m'aura envoyé en Allemagne chez un correspondant pour 2 ou 3 ans et j'aurais été séparé d'Anna et de mon moutard. Et puis je croyais pas qu'on aurait encore parlé de notre affaire. Il est si gentil, le petit. Il s'appelle Séraphin. Il est blond et il a des crocs. Est-ce que je pourrais une fois aller le voir? Quand vous voudrez. Et si votre père vous laissait marier Anna? Vous le feriez? Je vous crois que je le ferai. Mais il voudra pas. Il voudra. Je vais lui parler. Mais, Suzanne... Laissez-moi faire, Séraphin. J'ai déjà si souvent tiré mon plan. C'est inutile de lui parler. Je vous dis que ça réussira. J'ai rompu votre premier mariage. Je peux bien arranger votre deuxième. Eh bien, si ça est vrai, hein, je ferai n'importe quoi pour vous. Justement, vous devez faire quelque chose pour moi. Ah? Mon père et votre père sont tous les deux candidats pour la présidence d'honneur. Oui. Je veux qu'on nomme mon père. J'ai déjà présenté le mien. Je peux pas défendre, Monsieur Beulemont. Mais je vous demande pas ça. Je vous demande seulement de pas trop pousser Monsieur Meulemeester et de ne pas décauser Monsieur Beulemont. Eh bien, je le ferai. Allez, les 5 minutes sont passées, je suis là. Hein? Maintenant, c'est vous que je dois causer, Monsieur Meulemeester. Monsieur Séraphin va se retirer, mais avant, il va vous dire que tout ce qu'il a raconté sur moi, ça n'est pas vrai. Que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Quelle nouvelle de... C'est la vérité. Pas bien inventé, ça. Maintenant, vous pouvez vous en aller, Séraphin. Oui. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Suzanne. Mettez-vous, monsieur Meulemeester. Je vous demande pardon, mademoiselle, la séance va commencer. Non, non, c'est la sonnette qui donne le signal, elle est encore ici. Hein? Vous n'avez pas oublié, ça. Je parie que vous croyez que je vais vous demander de vous retirer pour mon père. Vous ne le feriez pas. Ça fait rien. La présidence d'honneur, ça me laisse froide. Alors, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Je vais vous raconter la vraie raison de notre rupture, Séraphin et moi. Ah? C'est moi qui n'a pas voulu. C'est moi qui n'a pas voulu. Parce que Séraphin avait une bonne amie depuis longtemps. Séraphin, une bonne amie, allez, allez, vous rêvez. Il me l'a avoué lui-même. C'est de la blague, une bonne amie. Une preuve, c'est qu'elle s'appelle Anna. Anna? Oui, Anna, une ouvrière lingère. Eh bien, à la fin, hein, qu'est-ce que ça faisait? Tous les jeunes gens ont une couple ou deux de bonne amie. Quand on se marie, on relâche sa bonne amie. Pas quand on a un enfant avec elle. Hein? Oui. Séraphin a un enfant d'Anna. Mon fils a un fils? Oui. Vous avez le bonheur d'être bon papa. Bon papa? Ça n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il s'appelle Séraphin comme son père. Si c'est vrai, hein, je vais flanquer Séraphin à la porte. C'est vrai, monsieur Meulemeester. Mais vous ne flanquerez pas Séraphin là. Non, je vais me gêner sans doute. Hein. Tout le monde dira que vous êtes un méchant. Que vous avez empêché votre fils de marier la femme qu'il aime. Mais je m'en fiche, je sais ce que j'ai à faire. Séraphin aussi saura ce qu'il a à faire. Il n'oserait pas aller contre ma volonté, je suppose, hein? De lui-même, non. Mais je lui donnerai des conseils. Quel conseil? De se passer de votre permission. Il vous écoutera pas. Si, parce que je lui raconterai des exemples. Je lui dirai que je connais un monsieur qui a été très heureux dans son ménage, qui est maintenant un gros commerçant et qui a marié sa bonne amie avec un enfant de lui. Même que quand l'enfant est venu au monde, mon père a dû prêter 2 francs, monsieur, qui était son ami en ce temps-là. C'est belle, moi, ce qu'il vous a raconté, ça, hein? Je me demande tout de même ce que ce monsieur répondra à son fils, si son fils voulait faire la même chose que lui. Vous avez dit cette histoire à Séraphin? Mais non, je sais bien que vous n'aimerez pas ça. Allez, monsieur Meulemeester, qu'est-ce que vous auriez dit il y a 20 ans, si on vous avait défendu de marier celle que vous aimiez tant, et qui vous avait donné un si joli petit garçon? Le petit Séraphin aussi est joli, vous savez. C'est vous, hein, comme 2 gouttes d'eau. Est-ce qu'avec une autre, vous auriez été certain que l'enfant aurait été vous tout craché? Allez, allez, dites-oui. Vous seriez si content du bonheur de votre fils, de la reconnaissance de sa femme et de la tendresse du petit Séraphin. Et tout le monde dira, c'est tout de même chic ce qu'ils ont fait les Meulemeester. Vous ne direz jamais rien à Séraphin? Mais non. C'est sûr, hein? Pourquoi? J'aime mieux garder le moyen de vous faire encore chanter. Hein? Oui, enfin, si c'était nécessaire. Vos parents avec qui je suis en brouille, ils diront rien non plus? Vous vous remettrez un jour. Oh, ça, j'y tiens pas du tout. Oui, eux non plus. Hein? Non. Eh bien, c'est oui. Allez, allez, c'est oui. Allez. Alors venez vite avec moi chez lui. Ah, monsieur Meulemeester, votre fils vous a dit que vous êtes le candidat du comité. Ça va marcher, vous savez. Ah, j'espère bien, hein. Ça va bientôt commencer. Ouais, c'est le moment, mais je commence pas avant une demi-heure. Nos hommes sûrs ne sont pas encore là. Ah, s'ils ne sont pas encore là, eh bien, je m'en vais. Allez, je oui, c'est ça. Oui, ça va. Bonjour, monsieur le président. Tiens, bonjour, madame Beulemans. Vous allez bien? Mm-hmm. Et monsieur, votre mari va bien? Oui, oui, très bien, merci. Et je suis venu parce que j'ai oublié la sonnette de la présidence. Ah oui, vous allez présider la séance. Oui. La fameuse séance qui va s'ouvrir tout de suite. Ben, dans quelques minutes, nous attendons encore des membres. Mais j'ai entendu. Les hommes sûrs. Mm. Allez, au revoir, monsieur Mopsing. Allez, allez, halte, halte, halte, ne me secouez pas mon bras comme ça. Vous faites sonner la sonnette. Un malin maintenant, et tous nos électeurs qui ne sont pas encore là. Hé! Hey! Père, mère, en se mettant dans le corridor, à côté du téléphone, on entend presque tout ce qui se dit dans la salle. Mais ils lisent le procès verbal de la dernière séance. Je veille comme ça en tremblant. Mais moi donc, je tremble encore plus. Hortense, venez écouter à la porte, oui. C'est une bonne idée. Allô, oui? Est-ce que je suis à la maison des brasseurs? Oui, monsieur, vous êtes bien à la maison des brasseurs. Ah, dites une fois, mademoiselle, à quelle heure est-ce que c'est le scrutin? Ah, l'heure du scrutin? Oui, c'est monsieur en bas ici. Je suis un bon ami de monsieur Meulemeester. Oh, vous êtes un bon ami de monsieur Meulemeester. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il sera nommé? Mais oui, ça s'annonce très bien. Ah, c'est bien, ça, je suis content. Alors, j'arrive directement pour vous. Mais non, vous devez pas vous déranger. Il sera certainement nommé. Il est le candidat du comité. Et on votera pas avant une heure et demie. Bon, merci, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous voulez une fois faire les compliments à M. Meulemeister, alors? De la part de M. Holbach. Oui, oui, de la part de M. Holbach. Oui. Je ferai bien vos compliments et autant de sa part, hein. Merci, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Octavie, est-ce que M. Bulting s'est arrivé avec ses deux fils? Non, mademoiselle Bullman. Ce sont trois électeurs sûrs pour papa. Octavie, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui rentre là? Je connais pas, mademoiselle. C'est sans doute un qui vient pour voter pour M. Meulemeester. Octavie, descendez vite et dites aux chasseurs de sauter dans une voiture et d'aller les chercher de la part de M. Bullman. C'est très urgent. Mais mademoiselle Bullman, j'ai le plateau dans mes mains. Eh bien, hé, monsieur, vous qui ne faites rien là, prenez un peu le plateau de cette fille. Mais enfin, mademoiselle. Je vous en prie, monsieur. Eh bien, Octavie, dépêchez-vous. Mais oui, j'y vais, mademoiselle, j'y vais. Oh, vous êtes bien comme ça. À vous trouver. Vous n'avez jamais servi de la bière, monsieur? Non, jamais, mademoiselle. Essayez une fois de marcher avec ça dans les mains. Marcher? Oh, mais j'éprouve déjà toutes les peines du monde à me tenir en équilibre. Allez, marcher, ça ira très bien. Ah, je vous en prie, mademoiselle, la plaisanterie a assez duré. Débarrassez-moi de ça. Moi? Enfin, pas à moi, c'est à la serveuse. Mais c'est vous qui lui avez inspiré cette infernale idée de me le fourrer dans les mains. Cette pauvre fille ne savait qu'en faire. Sans compter que vous m'avez enlevé la serveuse au moment précis où je l'avais chargée d'une commission. Une commission? Si vous voulez, monsieur, je peux la faire. Mais je suppose que la serveuse va revenir bientôt. Ah, je ne crois pas. Elle est très occupée par la séance. Vous venez peut-être aussi pour la séance. La séance, mais pas du tout, mademoiselle. Je viens pour voir mon fils, M. Albert Delpierre. Votre fils, Monsieur Delpierre? Vous êtes le père de M. Albert? Oh, mon Dieu, donnez-moi vite le plateau. Ah, non, mais enfin, je commençais à avoir la crampe. Écoutez, on va le poser sur la table. Oui. Là. Vous êtes le père de M. Albert? Oui, mademoiselle, vous le connaissez? Je suis mademoiselle Bullemans. Mademoiselle Bullemans. Nous avons fait connaissance d'une drôle de façon, monsieur Delpierre. Je vous demande bien pardon, vous savez. Mais c'est moi qui ne vous demande pardon, mademoiselle. En somme, il était très amusant, le coup du plateau. Oh non, il était de mauvais goût. Mais vous étiez si comique. Il faut plus jamais tenir un plateau avec des verres. Ah ça, j'avoue que je n'y ai guère mis de bonne volonté, vous en conviendrez, mademoiselle. Je me suis montré bougon. J'étais contrarié de ne pas avoir trouvé mon fils à la gare et de n'avoir reçu de lui qu'un mot laconique m'annonçant qu'il était appelé dans cet établissement. Oui, mais c'est très important. Il ne pouvait pas faire autrement que de venir à la séance. Mm-hmm. Vous comprenez, père est candidat président d'honneur de la Société des Brasseries. Alors tout le monde doit être là pour voter. Bon, enfin, il me semble pourtant qu'il n'aurait pas dû hésiter entre cette séance et l'arrivée de son père. Vous auriez fait comme lui. Tiens, pourquoi? Parce que je vous l'aurais demandé. Ah, c'est vous qui lui avez demandé? Oui. Ouais. Et quand je demande quelque chose, on ne sait rien me refuser. Vraiment? C'est comme ça. Ainsi, moi, je vais aussi vous demander quelque chose et vous ne me refuserez pas. Voyons cela. Je vous demande de ne pas gronder Albert car il n'est pas allé à la gare. Moi, ça, mademoiselle, je... Non, il ne faut pas le gronder. Vous pouvez être sûr qu'il vous aime beaucoup et qu'il aurait bien voulu aller vous prendre pour vous embrasser tout de suite. Mais je lui ai dit que vous seriez le premier à le féliciter d'avoir pensé à plaire à son patron. Ne le grondez pas. Et si vous voulez absolument gronder quelqu'un, eh bien, grondez-moi. Eh bien, mademoiselle, je vous gronde. Mais à lui, vous ne direz rien? Soit. Alors grondez-moi plus fort. Oh, mais je vous gronde. Pas moi, monsieur Albert. Je ne lui dirai rien, je vous le promets. Vous voyez bien qu'on ne sait rien me refuser. Écoutez, monsieur Delpierre. Oui. J'ai encore quelque chose à vous demander. Quelque chose que je ne pourrais pas vous refuser. Oui. Mm-hmm. Quand il vous aura bien embrassé, il vous parlera d'une affaire sérieuse. Et vous savez de quoi il s'agit. Oui. Écoutez-moi bien. Si vous refusez de lui accorder ce qu'il vous demande, il sera très triste. Eh bien, il est possible que vous ne vouliez pas. Mm-hmm. Alors, il vaut mieux partir tout de suite sans le voir, en disant par exemple que vous avez reçu un télégramme de Paris qui vous rappelle d'urgence. Oh, mais écoutez, mademoiselle, tout de même. Parce que comme ça, il connaîtra pas tout de suite votre refus. Au lieu d'être triste, il conservera pendant quelques jours de l'espoir. Et moi, j'aurai le temps de le préparer à votre réponse. Et ça lui fera beaucoup moins de peine que si vous le contrariez brusquement. Mais enfin, dites-moi de quoi il s'agit. Vous me promettez, si vous voulez pas, de vous en aller. Oui, enfin. Oui, mais il faut me promettre. Sinon, je vous dis rien et je défends M. Albert de vous en parler. Vous promettez? Je promets. Vous voyez bien qu'on ne sait rien me refuser. Oui. Eh bien, voilà. Monsieur Albert, allons, dites. Monsieur Albert m'aime et veut vous demander ma main à père et mère. Ah, vous refusez. Alors partez tout de suite, hein, vous l'avez promis. Je n'ai pas dit que je refusais. Oui, mais... Oui, mais quoi? Mais vous devez me comprendre. Excusez-moi, mademoiselle, si je vous tiens ce langage, mais enfin, je vous vois depuis un instant. Mon devoir de père est d'examiner. Vous êtes charmante, sans doute, mais je vous connais à peine. Mais vous n'avez pas besoin de me connaître. C'est pas vous qui devez me marier. Monsieur Albert me connaît, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je suis certain que vous êtes digne de lui. Seulement, il est bien jeune. Tiens, mais moi aussi, je suis bien jeune. Et justement, alors comprenez-moi. Oui, cherchez pas des mots. Ici, chez nous, on dit tout droit dehors ce qu'on pense. Pas besoin de vous gêner. Vous voulez pas, c'est dommage, mais alors partez. En somme, vous me flanquez à la porte. Oui. Ouais. Eh bien, je ne m'en irai pas sans avoir vu mon fils. Vous allez lui faire du chagrin, monsieur Delpierre. Je verrai mon fils et je lui dirai que s'il croit vous aimer, s'il est certain d'avoir trouvé son bonheur, je n'ai pas à m'opposer à ses projets. Voilà. Ah, vous êtes un brave. Et vous, une brave jeune fille, mademoiselle Suzanne. Vous savez mon nom? Mais Albert trouvait dans chacune de ses lettres le moyen de le glisser. Il me faisait de la réclame. C'est gentil. Alors c'est dit? C'est dit. Ben, vous voyez bien qu'on ne fait rien à me refuser. Messieurs, nous allons procéder à la nomination d'un nouveau président d'honneur. Deux candidats sont en présence. Le premier est M. Meulemeester. Et le deuxième est M. Beulemans. La candidature de M. Meulemeester est présentée par le comité. Qui demande la parole? Moi. C'est Séraphin. Messieurs, le comité vous présente la candidature de M. Meulemeester, mon père. Je la recommande à vos suffrages. J'ai dit. C'est tout. Quelqu'un demande encore la parole? Moi. Monsieur Albert Delpierre de Paris a la parole. C'est Monsieur Albert. Messieurs, Monsieur le Président a dit, en me donnant la parole, Monsieur Delpierre de Paris. Oui, de Paris je suis venu, mais à Bruxelles je reste. Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. Eh bien, messieurs, je veux... Voudrais. Oui, je brûle. Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux dire mon cœur droit dehors. Et que l'émotion, on ne sait pas à la cour. Je vais dire ce que je pense du brave et honnête monsieur Beulemans. Comme il parle bien, hein. Mais dites, c'est mon fils. Oui. Je n'ai pas besoin de vous rappeler sa carrière. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé? Il était dans le tiroir d'en dessous. Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie. Il vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est bien, mon fils? Il est bien, hein? Oui. Enfant du peuple, il s'est élevé par la force de son travail et de sa volonté jusqu'au plus haut échelon de la brasserie. Bravo! Et de là, il peut contempler, dédaigneux et fier, sans faux orgueil, les vains efforts de la concurrence étrangère en tenant haut et ferme l'étendard de la bière nationale. Quel tribord. Hortense, votre mouchoir. Je n'en ai qu'un, et il est mouillé. Vous le nommez, messieurs, vous ne vous en regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour. Klappen Sie gen Orden. Il a été bien, n'est-ce pas, père? Magnifique. Père, mère, monsieur Delpierre est ici. Albert, son père? Oui. Oh. Monsieur Delpierre, quel discours, quel talent, quel ostracisme. Remerciez Dieu, monsieur Delpierre, remerciez Dieu et madame Delpierre d'avoir un soir donné le jour à un pareil enfant. Vous avez entendu? Jamais je n'oublierai, jamais. Enfant du peuple, il a grimpé par la force de sa volonté sur la plus haute échelle de la brasserie nationale. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Messieurs, le scrutin a désigné M. Beulemans comme président d'honneur à 70 voix de majorité. M. Beulemans, vous êtes nommé. L'Assemblée veut vous faire une ovation. C'est bon. J'y vais. Je vais avec. Oh, comme il est content, n'est-ce pas? Papa! Dans mes bras, Mirabeau de la Brasserie Nationale. Ils sont si fiers de toi que je ne t'en veux plus. Messieurs, de tout mon cœur, je vous remercie. Et j'ose vous dire que mon ami Albert... Il a dit mon ami Albert. Il a raison, quand il vous promettait que je saurais tenir sur l'échelle le drapeau de... Oui, enfin, comme il l'a dit. Mais je crois que voilà un drapeau dont on parlera longtemps. Oh, papa, si tu savais comme cette phrase stupide me fait du bien. Ah oui, je m'en doute. Comment tu t'en doutes? Monsieur Albert, je lui ai tout dit. Et tu consens? Mais ne fût-ce que pour ta gloire oratoire, et puis surtout parce qu'elle est charmante. Merci, papa. Oh, merci, monsieur. Oh, appelez-moi papa. Papa. Albert, venez dans mes bras. Vous avez causé comme un avocat. Oh, Hubert. Je vous donnerai de l'augmentation. Monsieur Delpierre, comme vous avez pu l'entendre, votre fils a été à bonne école. Ah. Il ira loin, je vous le promets. Et à partir d'aujourd'hui, il n'est plus seulement mon collaborateur, mais mon associé. Oh. Je le considère comme mon propre enfant. Non, peut-être pas autant qu'il le désirerait. Comment? Mais son éloquence, monsieur Beulement, c'est un miracle de l'amour. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, il aime mademoiselle votre fille. Et pour lui, je vous demande sa main. Albert, donnez-moi une baisse. Et embrassez votre fiancée. J'ai toujours dit que j'aimais ce garçon. C'est une sérénade pour vous.